Stiamo provando a metterci in contatto con una compagna a Parigi che è andata alla manifestazione, quella dei sindacati, questo pomeriggio, mentre sappiamo che questa mattina 130 studenti sono stati arrestati, che la polizia ha caricato duramente i cortei dei studenti della mattina. Faremo un punto anche con lei. Pronto, tu m'entends? Oui, très bien. La prima domanda che ti faccio è: a che punto sta la cosa degli arresti di questa mattina? Si tu as quelques informations sur tous les gens qui ont été arrêtés ce matin? Alors, il y a eu de nouvelles arrestations. Donc, globalement, on est dans cette lutte qui est en train de s'installer dans différentes régions de France. Et pour ce qui est de la région parisienne, les choses se passent, on va dire, de différentes manières. Il y a des étudiants et des lycéens et lycéennes qui s'organisent. Il y a aussi des enseignants, pas mal d'enseignants du premier degré et du second degré. Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est région parisienne et la banlieue nord. Attends, depuis je traduis. Pardon. Allora sì, ci sono stati nuovi arresti nel pomeriggio. Allora, per farti un'idea, questa lotta è iniziata in diverse regioni della Francia e anche a Parigi e nell'Île-de-France, in cui prendono parte studenti, liceani e anche insegnanti del elementari e anche del secondario. Oui. Donc, en ce qui concerne cette mobilisation, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a différents réseaux depuis un certain temps. En ce qui concerne les différents rassemblements qui ont lieu dans la capitale, donc dans Paris, il se passe que beaucoup de gens, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, d'une manière, on va dire, assez horizontale et avec des positions assez fluctuantes au niveau politique, se retrouvent sur la place de la République, semble-t-il, donc maintenant depuis une semaine à peu près. Voilà, et depuis une semaine. Depuis plusieurs nuits, ils sont vidés à la fin de la nuit par la police de manière violente. Et alors, dunque, les mobilisations, ci sono parecchi e diversi reti che da un po' si sono messo insieme, e ci sono diverse realtà che comunque si uniscono intorno, anche se sono di, diciamo, obbedienze o con delle diversità politiche, si mettono insieme intorno a queste mobilitazioni. A Parigi queste mobilitazioni si ritrovano quasi da una settimana a Piazza della Repubblica, ma anche di notte, e la polizia ha iniziato a sgomberare o a picchiare alla fine della notte. Ce qui est intéressant peut-être pour comprendre un tout petit peu, c'est que au moment où il y a eu l'anti-COP 21, il y a eu la COP 21 à Paris, et il y a eu un réseau, on va dire, très, encore une fois très fluctuant, de personnes très diverses qui sont mobilisées autour de l'anti-COP 21. Ce qui a fait que certains et certaines ont commencé à se positionner par rapport à l'État français et ses engagements dans les différentes guerres. On va dire que c'est un petit peu tout ça, même si je peux aller plus loin autour de ce réseau anti-guerre après et les positions féministes. Allora, se facciamo un passo indietro, che c'è stato la COP 21 a Parigi, dunque a novembre, e c'è stato anche gli anti-COP 21. E, dunque, già a partire da questo momento, dei reti, anche di diversi, politicamente abbastanza diversi, già si sono messi insieme per andare contro questa COP 21. E poi c'è stato anche diverse mobilitazioni contro, e dunque questo ha staccato una cosa di critica al governo francese, e anche un'altra parte importante sono stati i reti contro le guerre che lo Stato sta svolgendo in diverse parti del mondo. Parce qu'il est clair que l'État français, autour de cette COP21, a quand même, on va dire, brouillé les pistes sur ses postures politiques d'ingérence dans différents pays et dans différentes guerres intérieures de différents pays. On a essayé de travailler sur la thématique du fait que l'État français est quand même le troisième vendeur d'armes au monde et que il fait la guerre et ensuite il va, entre guillemets, sauver les populations pour lesquelles il a vendu des armes. Alors, je reste très généraliste, hein, parce que ça va être court. Alors, per fare corto, è chiaro che al momento della COP21 è come se il governo si ripuliva da qualche parte, ha proprio provato a fare impicci e poi a sviluppare un discorso di andare a salvare le popolazioni nel mondo, mentre sappiamo benissimo che la Francia è la terza nazione, il terzo venditore di armi nel mondo. Et donc, ouais, pour faire un peu le quadro, si. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette COP21 et tout un réseau anti-COP21. Il y a bien sûr toute la mobilisation autour de l'ASA de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, il y a eu les attentats de fin novembre qui ont, on va dire, pas fracturé, mais on va dire que le mouvement a décidé à des moments donnés de prendre de lutter et de se mobiliser par rapport à des choses différentes, enfin différentes, des niveaux différents. Il y a eu tout un réseau autour de la Ligue des droits de l'homme qui s'est mobilisé autour de l'état d'urgence. Et puis, il y a eu d'autres réseaux qui ont essayé d'avancer un peu plus autour de l'état d'urgence et déchéance de la nationalité. Et puis, ce réseau qui s'est petit à petit constitué pour dénoncer la guerre, les guerres, l'ingérence dans les différentes guerres en tant qu'État français. Donc, nous, on vivons en France. Je sais pas si c'est clair, ça. Allora, dunque c'è stato la COP21, c'è il movimento della ZAD contro l'aeroporto di Nantes, dunque questo sono i reti che si sono rinforzati a questi momenti. Ci sono stati attentati lì, per esempio ci sono stati movimenti dei diritti dell'uomo, degli umani contro lo stato di emergenza, poi c'è stato tutta il dibattito è un movimento contro la decenza della nazionalità. Mm-hmm. Oui. Donc ce que je peux raconter maintenant, c'est où on en est. Donc aujourd'hui, il y a des mobilisations lycéennes et étudiantes autour de la loi El Khomri et on peut y revenir. Mais il n'y a pas que ça, il y a, on va dire, des réseaux, on va dire, plus politisés, plus précisément politisés, qui essayent d'avoir quand même une stratégie de lutte un peu plus globale et en voyant un peu plus loin, qui pointent un certain nombre de lois qui sont en train de passer en France, au-delà de la déchéance de nationalité qui a été plus ou moins, où il y a eu un recul du gouvernement, mais des lois qui sont des lois totalement liberticides qui sont en train de s'installer et un état d'urgence qui devient totalement permanent. Allora, certo che ci sono delle manifestazioni di studenti che contro la legge del lavoro El Khomri, questo ne riparliamo dopo, ma c'è anche tutto un movimento che va un po' più in là nella cosa, che va più in profondità nella critica e nel movimento e nella mobilitazione, dunque che c'è particolarmente al momento della decenza della nazionalità, che il governo ha fatto un passo indietro. Siamo in uno stato di emergenza sempre di più duro, ci sono delle leggi molto liberticide, c'è per esempio il sindacato della magistratura che si mobilizza tanto per fare mettere a fuoco, fare vedere, rendere visibile come sono liberticide tutte queste leggi nuove. T'as des exemples de loi, par exemple? Alors, c'est vraiment autour de la criminalisation des luttes, globalement criminalisation des luttes, c'est-à-dire un temps, beaucoup plus de facilité pour fliquer les gens, pour les arrêter, pour les garder en garde à vue sans avoir et de perquisitionner sans avoir tous les droits, et puis sans passer par le juge, les différents juges. C'est-à-dire que le syndicat de la magistrature demande une réelle autonomie, une réelle le fait de qu'il n'y ait plus du tout de contrôle de l'État, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que chiesto se c'aveva dei esempi di legge, sono tutte le leggi che comunque criminalizzano le lotte, che è di più facile di arrestare, di fare perquisizione, che la gente non ha più, cioè, ci sono le dirette, cioè vanno da giudice, ci sono le dirette, le garde à vue, il fatto la che sono più ils vont pouvoir bientôt dissoudre des associations qui posent problème, des organisations, des réseaux, et puis un flicage de plus en plus grand. Donc, les syndicalistes, naturellement, les syndicalistes, fanno des schede delle syndicalistes, di tutte le associazioni. Siamo veramente a poco tempo di vedere associazioni che non avranno più il diritto di esserci. Questo. Tu veux? Alors, oui, vas-y. Et naturellement, tout ce qui est lutte de sans-papiers et sans-papières va être encore plus criminalisé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que dans Paris, mais pas que, sont vidés tous les regroupements d'exilés qui essaient de s'installer, puisqu'il n'y a aucune possibilité pour eux. On ne propose aucune solution d'accueil et de règlement politique de toutes les personnes qui sont accueillies ici, que ce soit des exilés dits économiques ou des exilés politiques. Ils se retrouvent et elles se retrouvent totalement criminalisées, en camp de rétention et virées. Voilà. No, in particolare, per esempio, le lotte per i diritti ai documenti, tutte le lotte dei sans-papiers e dei sans-papiers, sono molto nel bersaglio del governo. È vietato tutti i rassemblement, tutte le persone, i rifugiati, gli esilati, non si possono mettere insieme per fare niente. Questo sono proprio sorvegliati, che siano dei rifugiati economici, rifugiati politici. Non c'è nessuna soluzione che è proposto a livello politico, sociale, e la situazione è critica. Ce qu'on peut dire autour de ces luttes, en tant que féministe, on a beaucoup de mal à créer un réseau non mixte, parce que la lutte, elle est mixte. On est dans les syndicats, on est dans les réseaux mixtes. On essaye pour certaines à avoir des postures féministes et antiracistes, et un tant soit peu, on va dire, un tant soit peu politique dans toutes ces deux stratégies-là. C'est quand même très minorisé, très minoritaire. C'est une lutte qui est vraiment une lutte dans cette mixité entre guillemets classique, et en même temps politiquement qui ne va pas très très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des gens, les plus âgés comme les plus jeunes, se mobilisent par rapport à la loi El Khomri, c'est-à-dire par rapport au code du travail totalement bafoué. Allora, la cosa che posso dire, come femminista, è molto difficile in questo momento avere dei percorsi separati, perché comunque la lotta è mista, e dunque siamo abbastanza la lotta è con tutti. E noi comunque, come femminista, proviamo a continuare a portare un discorso antirassista, antisessista, anche se è difficile. Invece in questo momento comunque la gente si mobilizza contro la legge El Khomri, che comunque azzera i diritti del lavoro. Tu veux nous en parler un petit peu plus de la loi et aussi de ce qui s'est passé cet après-midi, de la manifestation de l'après-midi? Oui, la manifestation cet après-midi, c'était grandement de très jeunes hommes et femmes, les syndicats bien sûr. On a eu beaucoup moins de monde, on était, je ne sais pas combien on était, on était 15 à 20 000 cet existe aujourd'hui, mais jeudi dernier, on était un million d'eux dans toute la France il y a une semaine. Hein, donc c'est gigantesque. Et on va dire dans toutes les grandes villes de France. Hein, on peut dire aussi bien du nord comme du sud et de l'est comme de l'ouest. Souvent des villes universitaires quand même, mais pas que. Mais c'est quand même autour de... La mobilisation est poussée par les étudiants, hein. En ce qui concerne les femmes, le collectif aux droits des femmes se mobilise parce que, bien sûr, ce code du travail totalement remanié, c'est totalement contre le travail qui est déjà totalement précarisé pour les femmes, c'est clair. Donc, aussi bien les temps partiels, c'est encore pire, autour des prud'hommes, réduction de tous les remboursements des litiges. C'est les horaires décalés. Donc, je ne sais pas si je continue en français. Non, il faut que je traduise. Oui. Donc, à proposito delle manifestazioni, sì, c'è stata una manifestazione nel pomeriggio, eravamo molto di meno quest'oggi che giovedì scorso, in cui eravamo più di un milione, oggi eravamo 20.000, maggioritariamente delle persone giovani, sindacati anche, come donne femministe, ovviamente la coordinazione femminista si mobilizza perché comunque la precarizzazione del lavoro nella nuova legge tocca molto di più e molto ancora di più le donne con i part time, gli orari decalati, la non possibilità di andare ai prud'hommes, dunque andare a contrattare o a rifiutare o a denunciare un contratto di lavoro che non andrebbe bene. Oui. Donc, on est un réseau féministe, que ce soit de très jeunes femmes comme on va dire ma génération, et on continue à avancer les positions féministes par rapport au temps partiel, à l'annualisation du temps de travail, au fait que c'est les femmes les plus précaires, les femmes racisées qui vont se retrouver encore avec encore moins de droits naturellement, puisque ce code du travail est totalement révisé, mais dans le sens pas du tout ce qui est raconté officiellement, c'est-à-dire simplifié, mais il est totalement détruit. C'est un code du travail qui ne protège plus du tout les salariés. Alors bien sûr, ne parlons pas des personnes qui sont à temps partiel, qui font des boulots deux heures par-ci, deux heures par-là, que ce soit l'aide à la personne, etc. C'est ça qu'on essaye d'avancer. Noi continuiamo a denunciare il fatto che questo codice del lavoro, che comunque non è più un codice del lavoro, non è che lo stanno ristrutturando, lo stanno distruggendo. Infatti, e dunque, in modo che comunque i diritti dei lavoratori, questo codice non le protegge più. Dunque, già per la maggior parte della popolazione sarà così. Allora, immagini anche come si può concretizzare un codice così, che non è neanche più un codice per le donne razzizzate, per le precarie, per le donne che lavorano di due ore di qua, due ore di là. Et puis ce qu'on se redisait là dans le bus, le fait que c'est la fin des CDI. Donc la fin des CDI, c'est les contrats à durée indéterminée. Oui. Et là, c'est vraiment le centre de cette destruction du code du travail. E il centro della distruzione di questo codice del lavoro è la fine dei contratti a durata indeterminata. Voilà. Tu me disais que là vous alliez au commissariat? Alors là on est quelques-unes et quelques-uns qui sont déjà, on va au commissariat du 18e parce qu'il y a eu énormément de... ce qui s'est passé cet après-midi, il y avait le syndicat de la magistrature et un certain réseau de gens, on va dire, très respectables, qui se sont retrouvés devant le Sénat. Et puis, des jeunes lycéens, lycéennes et étudiants ont, après la manifestation, décidé de les rejoindre. Et là, on a eu, comme depuis 15 jours, des forces de CRS qui sont très, très violents. Très violents, voilà. Alors là... On a vraiment une répression qui ne va pas avec cette lutte est quand même appelée à une dans la non-violence, assez étonnante d'ailleurs, où tout le monde dit on est sage, on est gentil, etc. Et en même temps, en face, c'est vraiment un désir de réprimer avant que ça s'étale. C'est clair. Mmh. La stratégie est policière et étatique est là. Allora sì, noi siamo andando al commissariato del 18esimo arrondissement di Parigi perché sì, ci sono stati arresti questo pomeriggio. La cosa che è successo è che davanti al Senato si erano messo insieme tutti le persone, diciamo, rispettabili, quelli della il sindacato della magistratura e dopo i liceani e anche studenti hanno deciso di andare a raggiungerli e lì abbiamo visto, come vediamo da più di una settimana, comunque le forze dell'ordine attaccare violentemente i cortei e arrestare, e questo è proprio una cosa tremenda, perché da una parte, cioè, comunque queste mobilizzazioni sono forse anche troppo non violente, cioè, si dicono non violente, siamo saggi, andiamo così, e invece la repressione poliziaria è dura, molto dura, e dunque noi andiamo. Différentes villes de France, hein, il y a vraiment eu des choses très très violentes à Grenoble, à Nantes, à Lille, à Rennes, il y a vraiment eu des choses disproportionnées, avec même des blessés, avec des gens, l'utilisation des flashballs, enfin, oui, il est clair qu'aujourd'hui, la stratégie du pouvoir est une stratégie de répression, parce qu'ils sentent bien que les choses sont en train de s'étaler, voilà, avec des gens, bon, il y a un appel à convergence des luttes, hein, donc, voilà, c'est... donc si on... Pardon. Attends, je finis, ouais. Je vais être obligée d'arrêter dans 3 minutes. Moi aussi. On va conclure. È chiaro che questa cosa non è solo a Parigi, eh. In diverse città della Francia, Grenoble, Lille, la repressione è stata molto dura, eh. Anche le flashball, tutti i modi di attaccare pesantemente le manifestazioni si sono svolti in tutte le città, eh. Questo veramente duramente. È abbastanza chiaro che comunque il governo ha scelto questa cosa perché comunque vede che si sta sviluppando delle manifestazioni e delle mobilitazioni molto forti, c'è una convergenza delle lotte che sta arrivando, e dunque la repressione è all'altezza del pericolo per il governo, diciamo. Écoute, si tu veux, on peut arrêter là, ça, si tu veux, oui, dire autre chose. Il y a d'autres commissariats, donc je crois qu'il va falloir. Moi, je vous appelle à aussi, vous, en Italie, à vous mobiliser, parce que je pense que c'est vraiment totalement européen. Et puis, ce qui est en train de se passer par rapport aux exilés et ce débarquement d'exilés, hommes comme femmes, retour de Grèce vers la Turquie, est quelque chose d'absolument, mais innommable. Je veux dire, ça aussi, c'est une guerre, et il faut absolument, absolument qu'on se rende compte de ce qui est en train de se faire en notre nom. Donc nous, on appelle vraiment à dénoncer ces guerres-là aussi, que ce soit en Italie comme en France. Voilà. Ok, grazie, on le fait. Je te laisse partir et je fais la traduction. Oui, et puis on se gêne pas pour se rappeler. Ça marche, c'est bon, j'espère, merci. J'espère qu'on va pas passer la nuit au commissariat, je t'embrasse fort. Ciao. Allora io mi fermo qua perché sono arrivata davanti al commissariato, ma voglio fare un appello di dire sì, anche in Italia dovete mobilitarsi, perché comunque è una cosa europea e forse anche di più, di mobilitarsi anche su tutta la questione dei rifugiati, il fatto che quelli che sono arrivati in Grecia sono respinti in Turchia, e questo comunque è guerra, e questa guerra la fanno al nome nostro, e dobbiamo assolutamente reagire, e cioè, vogliamo farlo insieme a tutti.